Comment la recherche Google pourrait changer avec l'arrivée de l'IA. Publié par FR Android. Magie et tes idées ont du génie. Face à l'émergence de l'IA, Google est en train de repenser son approche. L'entreprise pourrait considérablement modifier son interface de recherche en intégrant un chatbot IA, parmi d'autres changements. Le Wall Street Journal fait référence à un projet interne baptisé Magie qui pourrait concrétiser cette évolution. Alors que Microsoft a déjà intégré la technologie derrière ChatGPT dans son moteur de recherche Bing, Google a l'intention de faire pareil. On connaissait Google Bard, le WSJ a eu des échos des projets de Google. Malgré de nombreux changements, l'apparence du moteur de recherche de Google est restée relativement inchangée au fil des ans. L'IA pourrait tout changer. Le projet nommé Magie. Le nouveau projet de Google, selon le WSJ, serait surnommé Magie. Google vise à vous aider à répondre à des questions difficiles pour lesquelles il n'y a pas de réponse claire. Vous savez, ces questions qui vous tiennent éveillé la nuit, comme « Pourquoi les dodos sont-ils éteints ?» ou « Qu'est-ce que cette étrange éruption cutanée sur mon bras ?» Point. Bientôt, plutôt que de simplement vous donner des liens vers des sites web, Google vous encouragera à poser des questions et à parcourir des vidéos, ou des publications sur les réseaux sociaux, pour trouver la réponse à vos questions existentielles.